La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Gaston Bachelard ou l'art de penser contre son cerveau. Gaston Bachelard fut un grand philosophe des sciences en même temps qu'une figure exemplaire, au propre comme au figuré. Au sens propre, car Bachelard c'était d'abord une tête, je dirais même une tronche. Il avait une barbe qu'on pourrait qualifier de fluviale, et il apparaît sur les photos comme une figure paterne, bonhomme et généreuse. Voilà un philosophe qui connaissait non seulement tous les classiques, mais aussi l'art de découper le jambon, compétence dont vous conviendrez avec moi qu'elle ne se transmet plus guère. Bachelard fut également une figure exemplaire au sens figuré du terme, car son parcours est symbolique d'un certain type de destin. Boursier d'origine modeste, il a gravi tous les échelons. Au départ surnuméraire des postes et télégraphes à Remiremont, il est parvenu à occuper la chaire d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne 37 ans plus tard, en 1940, c'est-à-dire 13 ans après avoir soutenu sa thèse de philosophie à l'âge de 43 ans. Bachelard a donc pris le temps de mûrir son œuvre, ce qui explique sans doute sa puissance et sa prolixité. Il y réalise une sorte de psychanalyse de la connaissance en montrant que des soubassements inconscients nous conduisent à mal interpréter certains faits. Selon lui, il existe des obstacles épistémologiques qui viennent prendre place entre notre désir de connaître et les objets que nous désirons connaître. Ces obstacles, nous dit-il, il faut apprendre à les contourner, à les déjouer, ce qui suppose d'adopter une conception ouverte, c'est-à-dire inquiète, de la raison. Il écrit dans La formation de l'esprit scientifique « La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. » Désormais, le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique, autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il faut penser contre le cerveau. Fin de citation. Mais penser contre le cerveau, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? N'est-ce pas une expression paradoxale dans la mesure où c'est toujours avec son cerveau qu'on pense? Pour mieux comprendre la pensée et l'œuvre de Gaston Bachelard, j'ai invité deux spécialistes. Bonjour Vincent Bontemps. Bonjour Étienne. Vous êtes philosophe, spécialiste donc de Bachelard. Vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé « Bachelard et l'avenir de la culture, du surrationalisme à la raison créative » aux Presses des Mines. Mon second invité est Charles Aluny. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes également philosophe et vous publiez chez Hermann « Spectre de Bachelard, Gaston Bachelard et l'école surrationaliste ». Alors avant de discuter plus avant son œuvre, j'aimerais que l'un et l'autre vous fassiez un portrait de Bachelard, à la fois en rappelant les éléments de sa biographie, et puis ce qui chez lui vous semble le plus marquant. On commence par qui ? Vincent Bontemps ? Volontiers. Je crois que tout le monde peut avoir en tête l'image que vous avez évoquée de Bachelard à la grande barbe blonde, c'est-à-dire à la fin de sa vie, notamment parce qu'il y a eu cette interview télévisée en 1961, une année avant sa disparition. Maintenant, je suis assez attaché à restaurer une image plus juvénile de Bachelard. Il y a le Bachelard d'avant la barbe déjà, hein, celui dont vous avez rappelé qu'il avait commencé au poste et télégraphe et qu'il avait servi dans les tranchées, par exemple, hein, pendant 38 mois, qui a été décoré. C'était des unités combattantes, mais lui, vu ses compétences justement en télégraphie, c'était le bonhomme qui a le fil et qui le déroule derrière lui et qui fait une cible facile. Et il a été justement décoré parce que dans le dernier mois de la guerre, ils ont été bombardés pendant 48 heures d'affilée et il a sans cesse rétabli le fil entre les lignes. Et donc c'est vraiment un acte héroïque, et un acte héroïque sans justement gloriole. C'est ça qui est tout à fait caractéristique de Bachelard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui représente par la suite aussi un héros de la pensée, mais en même temps d'une très grande modestie. Alors cette modestie, elle se voit dans les réticences qu'il a finalement à chaque fois à franchir un cap dans cette reconnaissance académique que vous avez évoquée. C'est-à-dire, il lui a fallu du temps avant de se décider à quitter son village de Bar-sur-Aube et à venir à Dijon. Une fois qu'il était à Dijon, dont il a dit que c'était les années les plus heureuses de sa vie, hein, il y est resté longtemps, il considérait que c'était un très bon environnement, il y avait des amis, il a fait beaucoup de choses, il y a écrit une grande partie de son œuvre, hein, puisqu'en 1940, on va dire, quand il accepte le poste à Paris, c'est aussi la fin de la première période très productive qui va de 27 à 1940. En termes d'épistémologie, il écrit voilà la plus grosse partie de son œuvre. Même s'il va recommencer avec des chefs-d'œuvre après la Deuxième Guerre mondiale, trois grands livres, il a écrit la plus grande partie de son œuvre quand il arrive à Paris, dans des conditions épouvantables. Et entre-temps, il aura refusé aussi il aurait pu venir à Paris bien avant. C'est-à-dire qu'on lui a proposé une chaire de philosophie des sciences et de logique, celle de André Lalande, et il a préféré attendre, probablement parce qu'il trouvait plus logique de prendre la suite d'Abel Rey, qui avait été l'un de ses directeurs de thèse. Les deux grands directeurs de thèse de Bachar, c'est Abel Rey et Léon Brochwick. Donc bref, j'aime bien montrer cet aspect-là de Bachar, d'un homme héroïque et modeste à la fois, qui a encore une barbe qui n'est pas blanchie, elle blanchit justement précisément quand il arrive à Paris, qui est aussi quelqu'un qui vit dans la cité, c'est-à-dire qui est engagé dans les combats politiques de son temps. On le sait peu, mais il s'est présenté plusieurs fois au suffrage de ses concitoyens dans son village de Bar-sur-Aube, d'abord dans des listes d'Union nationale, puis dans des listes de gauche. Et quand il a quitté son village et qu'il est passé à autre chose, on va dire, il a continué d'avoir un engagement. L'un des premiers à avoir souligné ça, c'est justement Charles Aluni, hein, qui a souligné que le surrationalisme de Bachar allait de pair avec un engagement au service du Front populaire. Et moi, qui ai beaucoup travaillé sur le nouvel esprit scientifique, je suis aussi attentif à cette citation à la fin du livre où il dit qu'il ne manque que peu de choses pour que le nouvel esprit scientifique, qui provient de 1905, d'Einstein, de la mécanique quantique, prenne la même force sociale que la NEP de Lénine, c'est-à-dire la nouvelle politique économique qui avait été mise en place de 21 à 26, je crois, en Union soviétique, et qui correspond à un assouplissement. Et donc, c'est cette idée d'un assouplissement du rationalisme qui permet d'aller plus loin, qui est extrêmement précieuse et qui marque aussi donc une connivence avec un engagement de gauche, mais non dogmatique, non stalinien, puisque faire référence à la NEP sous Staline, c'est déjà en fait un geste de démarcation. Et voilà, c'est un portrait donc plus riche que celui qu'on a conservé et qui est issu de l'après-guerre. On va revenir sur cette définition de surrationalisme, puisque le mot se retrouve dans les titres de vos deux ouvrages. Charles Aluni, est-ce que vous voulez compléter ce portrait? Oui, je veux bien compléter le portrait qu'a donné Vincent, qui est parfaitement cohérent et fidèle à l'image de Bachelard, en notant qu'il y a une certaine époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose, mais il y a une certaine époque où Bachelard était connu comme le loup blanc, c'est-à-dire au niveau proprement populaire, tout le monde connaissait ce personnage à barbe blanche, cette espèce de Père Noël de la philosophie, etc. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai plutôt, à travers Spectre de Bachelard, voulu répondre à une phrase de Hegel, qui est assez connue, et qui dit « Ce qui est bien connu, en général, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas connu ». Et il continue, parce que c'est une phrase qu'on cite souvent, mais ce qu'il dit ensuite est assez intéressant. Il dit « C'est la façon la plus commune de se faire illusion et de faire illusion aux autres que de présupposer dans la connaissance quelque chose comme étant bien connu et de le tolérer comme tel. Un tel savoir, sans se rendre compte comment cela lui arrive, ne bouge pas de place avec tous ses discours. » Ça, c'est Hegel dans la phénoménologie. Donc et vous êtes en train de dire qu'on connaît mal Bachelard. Oui, c'est-à-dire que, effectivement, je pense en que... En croyant le connaître. Exactement, c'est-à-dire que il a été trop bien connu pour être véritablement connu. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de l'œuvre de Bachelard. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui peut être l'objet de recommencements permanents, d'habitation intérieure de ses textes, qui est évidemment, alors, a une particularité, c'est-à-dire que, par exemple, il a été dit qu'il y avait deux visages de Bachelard. Il y avait le Bachelard du jour, le Bachelard de la nuit, c'est-à-dire le Bachelard épistémologue, philosophe des sciences, qui travaille les relativités, la mécanique quantique, les mathématiques contemporaines, et d'autre côté, celui qui s'occupe de poésie, de littérature. De psychanalyse. Et de psychanalyse, et des éléments aussi de la nature. Et ça, c'est une idée qui a été véritablement dominante dans les années 70, parce que c'est, et 80, c'est Dominique Lecourt qui avait écrit un livre qui s'appelait Gaston Bachelard, le jour et la nuit. Et je pense que Vincent, comme moi, Nous sommes tout à fait d'un point de vue très différent, qui est de dire qu'il n'y a pas de coupure entre ce bachelard dit du jour et ce bachelard dit de la nuit, parce que si on va analyser ses œuvres littéraires, poétiques, psychanalytiques, on s'aperçoit que la métaphorologie qu'il utilise est tirée des sciences, en particulier de la physique théorique, des mathématiques, etc., et inversement. Il y a des éléments poétiques. Il entremêle constamment les deux. C'est ça qui est fondamental. Moi, c'est ce que je définissais un peu comme cette complexité d'un discours qui est entremêlé de théorie physico-mathématique et de poétique. Et c'est ce que j'appelle le statut symplectique du discours bachelardien. Symplectique signifiant une espèce de géométrie de l'entrelacement. Le terme ayant été imposé par Hermann Weyl en 1938. Pour remplacer la notion de groupe complexe, ambigu, par... Mais dans votre livre qui s'intitule donc « Spectre de Bachelard », Charles Aluny, vous parlez d'un pouvoir d'effraction des grands livres. Oui. Bachelard écrit de nombreux ouvrages. À votre avis, quels sont ceux qui ont eu, ou qui ont encore, le pouvoir d'effraction le plus important ? Sans vouloir exagérer, disons, je dirais que tous les ouvrages de Bachelard ont ce pouvoir d'effraction. En particulier, alors là aussi, il y a énormément de préjugés, de prédits, de prédictions, de ce qu'on veut. Par exemple, au niveau de l'épistémologie scientifique, ou plutôt la philosophie des sciences, il faudrait rentrer dans les détails, ce qui n'est pas vraiment le lieu. Mais il y a à la fois... On a un peu de temps quand même. Il y a à la fois ce que Bachelard a pu développer de façon absolument magistrale quant à la relativité, la valeur inductive de la relativité de 1929, dont on reparlera sans doute. Et puis il y a, même à l'intérieur des gens qui ont travaillé sur ce champ proprement de philosophie des sciences, il y a une espèce de rupture, dit-on, entre ce Bachelard passionné par la relativité, qui a vraiment véritablement fait effraction dans la perception de la relativité einsteinienne, et puis la mécanique quantique. Or, les livres qui font effraction au niveau de la mécanique quantique sont très nombreux. Il y a Newman et microphysique, 1931-32, qui a été republié dans l'étude. Il y a le pluralisme cohérent de la physique moderne en 32. Les intuitions atomistiques et cette classification en 33. Le nouvel esprit scientifique en 34. L'expérience de l'espace dans la physique contemporaine en 37. Une conférence, par exemple, qui est peu connue, du 22 mai 1944 sur Maison et théorie des forces nucléaires, qui devrait vous intéresser. Maison avec un E. Oui, avec un E, exactement. Le rationalisme appliqué en 49 et l'activité rationalisée dans la physique contemporaine en 51. Tous ces livres, chacun à leur façon, opèrent une effraction à la fois dans le monde philosophique, dans la philosophie des sciences, mais je pense aussi dans la conception scientifique des concepts qui sont analysés. Est-ce que vous êtes d'accord, Vincent Montand ? Est-ce que les scientifiques de cette époque lisaient Bachelard ? Est-ce qu'il était lu seulement par des philosophes ou est-ce que les physiciens, par exemple, s'intéressaient à lui ? Je vais répondre à cette question, mais avant, je vais rebondir sur ce qu'a dit Charles, parce que c'est important. Le fait est que ce qui est peut-être le signe de cette effraction, c'est précisément que la nouveauté de la pensée scientifique soit servie par un style littéraire, audacieux, par des néologismes, par des métaphores, par un travail extrêmement précis sur les analogies et la résonance dans l'œuvre dite diurne, et que dans l'œuvre qu'on classe, mais c'est Bachelard lui-même qui nous a proposé cette classification, mais d'une façon, elle aussi, dialectique et compliquée et complexe, que dans les œuvres comme Le Lautréamont, vous verrez une référence à une épistémologie des groupes mathématiques, qui est précisément celle qui est déjà au centre des analyses de Gustave Jouvet, d'Hermann Weyl, de Ferdinand Gonzette, qui sont mobilisés dans le nouvel esprit scientifique. Donc il y a cette effraction, si vous voulez, des mathématiques pour comprendre la poésie et de la poésie pour servir la beauté de l'intelligibilité scientifique. Et ça, c'est précisément quelque chose que Charles Aluny, c'est dans son œuvre, dans le livre que vous avez présenté, et une somme, on va dire, a entrepris de magnifier. Maintenant, sur votre question, il a eu des rapports assez étroits avec toute une série de scientifiques. Alors, il y a Paul Langevin, par exemple, grand propagateur de la relativité et des théories d'Einstein en général, qu'il a rencontré peut-être au début des années 30 à Cerisy, et qui était un de ceux qui avait dit une phrase qui la reporte et dont on a la trace que à travers lui, mais on pense qu'elle est juste, qui résonne avec le titre de votre de cette émission, parce que Langevin lui aurait déclaré les équations de la relativité pensent mieux que nous. Donc vous voyez, c'est cette idée là aussi, hein, c'est par la science en fait on prête à notre pensée un exercice qui fait qu'on pense mieux que ce que notre cerveau ferait d'ordinaire. Paul Dirac, grand physicien, disait « les équations sont plus intelligentes que nous ». C'est la même idée, et en plus Langevin la répète à propos de la mécanique quantique, donc dans le même domaine que... remarque, Dirac, il a pu parler des deux. En même temps, même. Reprendra la même idée 10 ans plus tard, en 39. Donc c'est en 29, en effet, qu'il l'a rencontré, Paul Langevin. Et la citation se trouve dans Nouvel Esprit Scientifique. Donc il y a Paul Langevin, il y a des physiciens de la mécanique quantique qui vont être assez proches de lui, et puis il y a Einstein lui-même. Il faut pas oublier que Bachelard a été invité à participer au volume anniversaire organisé par Schlipp. C'était pour les 70 ans d'Einstein ou les 75 ans, vous il est né en 1879, donc ça devait être ça en 59 ou en 49. C'est en 49. En 1949. Exactement. Donc, et dans ce recueil, il est le seul interprète français de l'œuvre d'Einstein à être invité. Il y a un physicien, c'est De Broglie, mais qui est invité. Mais sinon, il est le seul. Donc oui, il y a des affinités électives avec un certain nombre de scientifiques. Mais en plus de ça, il y a des résonances. Il y a des scientifiques qui l'ont vraiment fréquenté et qui se sont inspirés de lui. Je dirais qu'il a eu une influence aussi posthume, c'est-à-dire que il y a quand même des gens comme Lichnerowitz ou d'autres, des mathématiciens par exemple en France. Il y a une tradition de mathématiciens qui ont lu Bachelard et qui ont su en faire leur miel. Est-ce qu'on a le droit de dire que Bachelard a compris, alors que beaucoup interprétaient la relativité d'Einstein comme un relativisme, a compris qu'au contraire c'était une doctrine de l'absolu, je le cite, la théorie d'Einstein est une doctrine de l'absolu, elle va au-delà des apparences premières, bien entendu, mais au-delà surtout de ce qui a pu dominer les apparences dans une pensée antérieure. Oui. C'est précisément parce qu'elle a ce statut surplombant qu'elle condamne l'espace et le temps à n'être plus que relatifs. Tout à fait, dans ces mots, c'est une théorie de l'absolu, en réalité. Elle dit ce qui est invariant, ce qui ne change pas quand on change de référentiel, comme la vitesse de la lumière. Exactement. Je vous propose que nous écoutions la voix de Bachelard. On a retrouvé un extrait qui devrait vous intéresser et pour lequel je souhaiterais avoir vos commentaires. La pensée philosophique contemporaine me paraît se développer dans une dispersion grandissante, de sorte qu'il serait bien difficile de faire un tableau systématique des systèmes philosophiques actuels. Jamais peut-être il n'y a eu tant de philosophes et si peu de philosophie. Pour beaucoup de nos contemporains, la philosophie est une confession personnelle. Un tel individualisme de la pensée philosophique conduit à se désintéresser de la pensée scientifique, de la constitution de grands systèmes de pensée qui ordonne les différents cantons de la science. Mais ce désintérêt des philosophies multiples pour la science vraiment actuelle se divorce de l'union jadis si intime de la pensée philosophique et de la pensée scientifique, n'efface pas la réalité des faits de culture. À mon avis, les grandes théories scientifiques sont des systèmes philosophiques effectifs. Dès lors, les grandes théories sont sanctionnées par des découvertes précises, multiples, palpables. Nous sommes en présence d'une philosophie qui s'applique. La science me paraît donc le domaine par excellence d'une philosophie objective. C'est fabuleux. Ouais. Et ça fait alors ça il y a résonne. Plusieurs choses qui sont dites qui sont assez fortes. Oui, pour très peu de mots, il en dit beaucoup. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a jamais autant de philosophes et jamais si peu de philosophie? Vous êtes d'accord avec ça? Là-dessus, ça ne manque pas de piment. Il en voit quand pour, même. Pour nos oreilles. Puisque pour lui, d'une part, il parle de la fragmentation du champ philosophique, hein, d'une certaine façon. L'individuation. Qui peut être un peu parallèle à ce qui se passe en science. Mais cette inflation de philosophes en particulier, mais il ne les connaissait pas, aujourd'hui on n'en manque pas, de philosophes médiatiques, font que si on regroupe toute cette inflation de philosophes, ça ne signifie pas que derrière il y a de la philosophie. Et c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que le nombre de philosophes ne fait pas la philosophie. Enfin, il ne parle pas des philosophes médiatiques. Non, évidemment, parce qu'à l'époque, lui était un philosophe peut-être médiatique, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais il dit qu'une théorie scientifique, c'est un système philosophique effectif, c'est même une philosophie objective. C'est le point qui m'avait fait réagir, parce que Charles a commencé par une citation de Hegel, et ça nous renvoie à la problématique de la Wirklichkeit, qu'est-ce qui est effectif dans le réel. Voilà. Et donc, dans la philosophie, ce qui est la pensée agissante, c'est la partie de la, pour un rationaliste comme Bachelard, c'est la philosophie qui reste contemporaine de la science de son temps. Voilà. Et donc, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, qui ne se réduit pas à la position qui avait pu être celle de son maître, Abel Daré, une position scientiste, qui dit finalement, la science se suffit à elle-même, elle est à sa propre auto-élucidation, le philosophe n'a rien à rajouter, qui dit non, le philosophe a bien quelque chose à rajouter, d'abord à lutter contre ce qui est dépassé, contre les obstacles que vous avez mentionnés, mais aussi contre tout ce qui est périmé. Et la deuxième chose, à créer, à inventer de nouvelles formes spirituelles qui sont induites, c'est un mot qui est cher aussi à Charles Lally, qui sont des inductions métaphysiques, c'est-à-dire la science nous oblige à penser. Et la philosophie doit être cette entreprise, cette fois-ci, surrationaliste qui permet de penser dans le prolongement de la science. Est-ce que je dis juste si je dis que son objectif, c'est de repenser la pensée sans désormais exclure la pensée scientifique? Ah, c'est très tout juste. Tout à fait, oui. C'est très juste, oui. Qu'est-ce qu'on appelle le surrationalisme? On peut pas en faire l'économie. Qu'est-ce qu'on appelle le surrationalisme? C'est une expression qui a été inventée, je crois, par Bachelard lui-même en 1935, surrationalisme. Alors, oui. Comment comprendre le sur qui vient? Ce qui est intéressant avec surrationalisme, c'est effectivement, ça a été forgé par Bachelard lui-même. Même si on trouve exactement à la même date Husserl, qui parle de Überrationalismus, dans un congrès à Prague auquel Bachelard aurait dû participer, mais auquel il n'a pas participé. Ce qui est intéressant, c'est que Surrationalisme, c'est le titre d'un article. Cet article a été publié dans un recueil, dont le titre est assez signifiant, qui s'appelait Inquisition, groupe d'études pour la phénoménologie humaine, 1936, qui était publié par le Comintern, où siégeait Aragon. Alors, c'est intéressant parce que, sur le contexte politique, comme Vincent y faisait allusion avec la NEP, c'est la position politique et espiègle de Bachelard, parce que Bachelard est un grand espiègle. Et à ce propos, voici ce qu'il écrivait dans un passage peu connu du Nouvel Esprit Scientifique. « Il ne manque qu'un peu de vie sociale, qu'un peu de sympathie humaine, pour que le Nouvel Esprit Scientifique, le NES, prenne la même valeur formative qu'une nouvelle économie politique, la NEP. » Et on ne peut pas faire plus léniniste, d'une certaine façon. Et alors, comme en écho dans le style, une chose assez intéressante, alors c'est en 1943, Max Born, dans l'expérience et la théorie physique qui a été publiée chez Gauthier-Villars, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit « Et lorsque les mainchéviques furent écrasés par les boulcheviques radicaux, il devint dangereux de nier que la Lune fût une boule parfaite, encore que nul n'eût jamais contemplé la partie centrale de sa face visible. » Et là, il enchaîne en disant « L'addition par Maxwell du terme qui manquait est comparable au polissage d'une surface rugueuse, bien que la forme fût ici une structure mathématique d'un type plus compliqué que la sphère. » Donc il y avait cette espèce de jeu, et d'ailleurs dans ce fascicule de Max Born qui est vraiment... qui est vraiment passionnant. Vous avez apporté, qui est tout petit, quelques dizaines de pages. Oui, qui est tout petit, mais qui est extrêmement dense en philosophie, et en philosophie connexe, très liée aux positions de Bachelard. Mais Max Born, c'est un physicien, d'abord. Absolument, c'est un physicien, c'est un grand spécialiste de la relativité et de la mécanique quantique, évidemment. Donc il y a des liens, il y a des passages, effectivement, et il cite Max Born quand il parle de relativité. Alors ce qui est intéressant pour en revenir à ce surrationalisme, qui est le titre de l'article de Gaston Bachelard, c'est qu'il est entouré de gens, et c'est là où on peut rejoindre la question de la double face, soi-disant, de l'œuvre de Bachelard, c'est qu'il y a la présence de Roger Caillois, qui est le cofondateur avec Georges Bataille et Michel Léris du Collège de Sociologie en 1939. Il y a Jules Monro, qui est également cofondateur à 25 ans du Collège de Sociologie et de la Revue Critique, en 1946. Jacques Spitz, qui est polytechnicien, auteur de romans de science-fiction. Et enfin, c'est pas un des moindres, Tristan Tzara, qui est écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française, qui est l'un des fondateurs du mouvement Dada, dont il sera par la suite le chef de file. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est par le biais de Zara qui a sollicité Gaston Bachelard, et il le dit dans une correspondance, qu'il a écrit ce texte, surrationalisme. Alors en général, quand on parle de surrationalisme, évidemment, il peut y avoir un écho avec autre chose, à savoir le surréalisme. Et André Breton n'est pas très loin, parce que dans « Crise de l'objet », il dit précisément que il est lui-même surrationaliste. Il reprend, et c'est la même année, c'est en 1936, dans le cahier d'art de mai 1936, il dit cela. Il dit « Je suis aussi un surrationaliste ». Dans un temps, vous utilisez le mot « surréaliste » dans sous-titre de l'ouvrage que vous avez dirigé. Vous êtes d'accord avec la définition de Charles ? J'imagine que oui. Elle est très évocatrice, oui. Et le surrationalisme, c'est un néologisme formé avec le rationalisme qui, en général, on l'a dit, est une philosophie qui réclame l'esprit critique, l'utilisation de la raison critique pour bien délimiter là où la pensée philosophique a sa légitimité. C'est-à-dire le rationalisme s'auto-limite. Et ce qui est fort, c'est d'y accoler justement ce sur qui est un préfixe qui invite à aller au-delà, au contraire. Et donc, on sent là tout le dynamisme de la pensée bachelardienne, ce qui fait que cet esprit surrationaliste, en plus, même s'il coïncide très bien avec ces années d'entre-guerres, qui sont des années d'effervescence, d'inquiétude, d'immenses audaces, c'est encore quelque chose qui peut nous parler de nos jours. Quand j'écoutais la citation de Bachelard, j'entendais aussi un écho à qu'est-ce qu'un philosophe devrait penser maintenant de ce qu'on appelle les théories effectives en physique nucléaire. Voilà. Donc Weinberg introduit ce terme et ça permet à ce domaine qui n'est pas celui qui est le plus scruté par les philosophes, parce que les philosophes ont un tropisme qui est celui d'ailleurs aussi de beaucoup de scientifiques, c'est d'ailleurs de porter immédiatement leur regard aux frontières extrêmes, donc de regarder toujours les mêmes problèmes cosmologiques, voilà, ou de regarder toujours les mêmes problèmes de physique des particules et très hautes énergies. Et pas le travail interne. Et pas le travail mésoscopique ou le travail sur la physique nucléaire qui semble déjà connu, mais qui en réalité, vous le savez comme moi, est un domaine où il y a encore des découvertes, des créations, et où les questions épistémologiques sur le statut des modèles, qui sont donc ici appelés théories effectives, et qui présentent des particularités épistémologiques vraiment extraordinaire, inédite, de tentatives de chaînage, par exemple, de récupération des symétries du modèle antérieur pour savoir quels sont les observables et comment on doit faire le power counting au niveau supérieur, des choses comme ça, des problèmes qui sont des problèmes réels, ne sont pas vus par les philosophes comme étant ce qui devrait actuellement susciter leur réflexion. Et donc ça, c'est quelque chose. Bachelard, il nous invite non pas seulement à se rendre contemporain de lui et de la science de son époque, mais à se rendre contemporain c'est un appel pour le temps présent. Et comme c'est le surréalisme, c'est un appel pour le temps, en fait, futur. C'est à voir sur quoi nous prenons appel actuellement. C'était le sens du livre que j'ai dirigé. Sur quoi prenons-nous actuellement dans le présent? Sur qu'est-ce qui est effectif? Qu'est-ce qui est la Wirklichkeit de notre temps pour penser le ou les futurs qui s'offrent à nous. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, cher Léonie, dans votre propre ouvrage, il y a beaucoup de pages consacrées à Einstein, et vous mettez en exergue du livre cette citation d'Einstein: « Je crois que tout véritable physicien théoricien est une espèce de métaphysicien apprivoisé, si forte que soit sa conviction d'être un positiviste pur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que là, c'est le point de jonction de Bachelard en particulier, de façon extrêmement connectée avec les positions d'Einstein. Hein. Est-ce qu'il était capable de lire les équations, par exemple celle de la relativité générale? Non seulement il était capable de lire les équations, mais dans la valeur inductive de la relativité, il a complètement démonté le mécanisme même de la genèse de la relativité générale. C'est-à-dire que, d'une part, il impose la notion de valeur inductive, ou d'induction, hein, qui est également, qui a le sens de construction, amplifiant, etc., en analysant de très près, et c'est le seul philosophe que je connaisse qui l'ait fait, hein, en analysant de très près le formalisme mathématique alors engagé dans la relativité générale, qui est le calcul tensoriel. Et il a des analyses absolument éblouissantes du calcul tensoriel, du calcul avec des indices, avec la virtualisation que le calcul tensoriel peut amener, du lien entre ce calcul, cette position mathématisante d'algébrisme, comme il dit, parce qu'il y a un fort algébrisme dans les théories de Bachelard, où il montre en quoi la relativité générale est une théorie à la fois mathématique, une théorie physique, et c'est cette espèce d'interface, de double lien entre d'une part l'aspect de physique théorique et l'aspect de mathématiques pure que Bachelard interroge, mais il interroge sur les formalismes et sur le formalisme de la relativité générale explicitement. Mais est-ce que Einstein connaissait les travaux de Bachelard? Alors ça c'est très intéressant parce que effectivement, comme disait Vincent tout à l'heure, le seul Français, en dehors de Louis de Broglie, le seul Français qui a participé en 1949 à cet hommage à Albert Einstein, ça a été Bachelard. Gaston Bachelard. Et c'est le deuxième texte, qui est une espèce de complément de la valeur inductive de la relativité de 1929, qu'il va développer dans ce recueil qui a été organisé par Schilp. Et il y a un problème qui se rattache à cette participation, c'est que Einstein dit dans le bouquin de Schilp, dans son autobiographie, c'est la seule qu'on connaît vraiment d'autobiographie d'Einstein, il dit « J'ai été un peu pressé pour rendre le manuscrit de mes réponses aux interlocuteurs qui m'ont fait le plaisir de participer à ce volume. Malheureusement, j'ai été pressé, mais il n'y avait pas de raison de l'être. Cela dit, j'ai interrompu ma réponse à mes interlocuteurs. Or, il s'avère que le texte de Bachelard, ça c'est un grand dommage par rapport et à la relativité et à la philosophie de Bachelard, il n'a pas pu répondre à Bachelard parce qu'il est arrivé dans un second temps quand il avait déjà décidé. Mais est-ce qu'en 1930, par exemple, Einstein avait déjà connaissance des travaux de Bachelard? Sans doute que non. Je pense que non. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un texte d'Einstein de 1930 qui laisse penser qu'il était bachelardien, en fait. Il a reçu, oui, alors qu'il était à Berlin en 1930, donc, la lettre d'un correspondant qui lui pose deux questions. La première porte sur la formation intellectuelle d'Einstein. Le correspondant lui demande, est-ce que vos résultats scientifiques doivent quelque chose à la pensée spéculative? Et la deuxième question portait sur la question de savoir si les recherches des physiciens sur l'espace, le temps, la causalité, les bornes de l'univers, l'origine, la fin, etc. Bref, si cette science, la physique, ne rendait pas finalement sans objet toute pensée spéculative, toute philosophie même. Ne suffisait-il pas, demande ce correspondant, d'attendre que la physique réponde à toutes les questions et colonise jusqu'à la métaphysique la plus éthérée? Et Einstein a répondu à ce correspondant, une lettre assez longue, dont je vous lis un tout petit extrait. La philosophie est comme une mère qui a donné naissance aux autres sciences de la nature et qui les a enrichies. Aussi ne peut-on la mépriser dans son dépouillement et sa pauvreté, mais seulement espérer plutôt qu'une part de son idéal donquichotesque revivra dans ses enfants et les empêchera de sombrer dans le comportement des philistins. Oui, C'est du Bachelard, ça, presque. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, il y a des sources peut-être communes quand même à ces deux pensées, et que de toute façon, on détecte des affinités. Alors, il y a des contacts, peut-être par résonance aussi, qu'on peut évoquer. C'est-à-dire que l'un des philosophes qui, par la pensée, est le plus proche de Bachelard, ce serait Ferdinand Gonsette, qui est quasiment son alter ego suisse. Et lui était très ami, je veux dire, vraiment intime, de Michele Besso, qui était un très grand ami d'Einstein. Donc il y a des moments où on voit ces points de contact privilégiés. On les voit aussi avec... Einstein a quand même dit que la lecture de Poincaré avait beaucoup compté pour lui, et puis qu'ensuite il s'en était détaché et qu'il avait formé sa propre pensée. Il se trouve que Poincaré est une personne qui est assez constamment présente dans l'œuvre de Bachelard et qu'il est constamment d'ailleurs en train de s'en détacher. Bachelard est un critique de Poincaré. Il reconnaît beaucoup de choses valables dans la pensée de Poincaré, mais quand il le cite, c'est pour le critiquer, pour montrer justement la nécessité de dépasser ça. Donc on trouverait aussi une affinité dans le fait que Bachelard prétend qu'il faut toujours corréler deux philosophies pour être capable de rendre compte du travail scientifique. Et on a un célèbre texte d'Einstein qui dit que le scientifique est tour à tour positiviste, kantien, platonicien et tout ça, parce que il a des opérations différentes à accomplir, et notamment des relations différentes aux idéalités mathématiques et à leur mise à l'épreuve expérimentale à accomplir dans ce qui est, pour ainsi dire, le cycle de pensée de la science, et que donc il y a différentes postures philosophiques qui peuvent éclairer son travail à différents moments de ça. Et donc là, il y a vraiment des affinités très fortes entre ces deux penseurs. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Bachelard connaissait l'art de couper le jambon, c'était un bon vivant. Oui. Et vous avez suggéré, Vincent Bontemps, que nous écoutions une chanson de 1932. C'est ça. L'année de la découverte du neutron. Qui s'appelle... Et de la publication... D'Anisette. Et je crois que Bachelard aimait boire. Ah, ben, c'est comme pour ça que je l'ai choisi. Je trouvais que c'était représentatif d'une époque, peut-être pas bénie des dieux, mais en tout cas une époque où un certain amoralisme régnait dans les relations entre l'homme et la boisson. Nous allons écouter cette chanson de, chantée par André Turcy, c'est ça? Oui, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Des gens qui cherchent le bonheur quand ils l'ont tout près de leur cœur, tout prêt, tout fait, et qu'on trouve en train de pleurer quand ils n'ont pu le rencontrer qu'après des faits. Il leur faut des tas de chichis afin d'épater à tout prix Paris. Surpris, il leur faut mille sensations qui leur chavirent la raison. Opium, coco, pour eux plus rien n'est bon. Quand on veut être heureux, il n'y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les toilettes, les bijoux, je m'en fous. La morphine qui rend fou, je m'en fous. Tous ces trucs-là me semblent bêtes quand j'ai bu mon anisette. Les diamants, les tours de cou, je m'en fous. Je vais ficher tout ça au clou, je m'en fous. Moi, je suis heureuse et je chante comme une fauvette quand j'ai bu mon anisette. Tiens, j'ai perdu mon mouchoir. Eh ben non ! Pourquoi m'en faire, s'il vous plaît, à tout propos, à tout sujet, pourquoi ? Tais-toi ! Cette vie-là dure trop peu pour que tout ne soit pas un jeu pour moi. Je te crois. Quand je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit « Oust, au violon !» Je réponds « Oh, c'est bon !» Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi, je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas. Pas mort, s'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où, je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux, je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi j'ai un principe. J'ai un. Oh. Quand j'ai bu mon anisette. Moi, je rappelle à nos auditeurs que quand même, il faut boire avec modération. Ce que dit la chanson à sa façon, hein, en fait. Parce que... Alors Bachelard, enfin, lui... disons qu'elle montre ce qui se passe quand on boit trop. Voilà, c'est ça quand même. C'est un portrait assez objectif des résultats de l'alcoolémie. Bachelard, lui, il n'aimait pas spécialement l'anisette, mais il était d'une famille de vignerons, exactement, de Champagne. Et il aimait beaucoup aussi les vins de Bourgogne. Le Gevrey-Chambertin, par exemple, parce que son ami Gaston Roupnel, qui était son collègue à Dijon, possédait des vignes de Gevrey-Chambertin. Donc il y a ça. On sait que après ses cours à la Sorbonne, il allait au Balzar boire deux grands bocs de bière. Et on sait aussi que pendant l'occupation, ses étudiants et certains de ses amis lui donnaient leurs tickets de rationnement pour ce qui est de la boisson. Ceux qui buvaient pas, lui donnaient. Donc bref, on a de multiples indices, jusqu'à une citation aussi dans, je crois, La Politique de l'espace, où il dit qu'une de ses collègues, Madame Fabre-Boutonniez, qui est psychanalyste et professeure de psychologie à la Sorbonne, lui dit que ses obsessions sur les miniatures et les lilliputiens sont des symptômes de l'alcoolisme. Bref, on a de multiples, et c'est lui-même qui le rapporte, indices qu'il aimait bien boire. Voilà. À côté de ça, il en a fait un usage intelligent. C'est-à-dire que depuis la psychanalyse du feu, où il est question de l'eau de feu, il sera aussi question de l'eau de feu dans L'eau et les rêves, jusqu'à des rêveries sur le repos, la terre et les rêveries du repos, où il parle de la vigne, il y a ce qui est pris dans l'ivresse, c'est justement l'inspiration poétique. C'est des thèmes anthropologiques extrêmement forts et qui sont mis au service d'une rêverie, je dirais, toujours qui spiritualise cette ivresse. Il y a une phrase que j'adore rappeler, c'est Bachelard qui écrit « On croit que je bois, je me souviens ». Sur l'avenir. Oui, je voulais rajouter quelque chose pour revenir au lien entre très étroit. La boisson ne vous inspire pas. Non, la boisson m'inspire. Vous voulez parler d'Einstein. Oui, je pensais sur le lien entre Bachelard et Einstein, parce que je pense que c'est un problème fondamental. Ça rejoint la notion de spectre, puisque mon ouvrage s'appelle Spectre de Bachelard. On peut se demander pourquoi ça s'appelle Spectre de Bachelard. Entre autres, spectre, ici, c'est un philosophisme dont la topologie, ou espèce des formes des différentes tonalités en philosophie, définit un spectre. Alors ça devrait intéresser Étienne, puisque souvent il dit que il ne veut pas rentrer dans les conflits que la philosophie instaure entre les philosophes, à savoir le Kampfplatz platonicien, etc. Sinon je le dis pas, j'y entre pas, c'est tout. C'est ça. Mais on sait que ici comme ailleurs, ce que Bachelard a en tête, c'est le modèle quantique du spectre. Ça c'est très important. Il tire pas ça de n'importe où. Il utilise le terme au sens où tout corps physique trouve sa signature dans son spectre quantique. Et le caractère spectral du profil épistémologique bachelardien, c'est conçu comme une sorte d'application du principe d'équivalence aux différentes doctrines étalées sur le spectre qui interdit de céder à telle ou telle direction philosophique particulière et par trop exclusive. Et c'est pas sans relation avec ce que dit Einstein, justement. Vincent, il faisait allusion à propos de ce qu'il appelait l'opportunisme philosophique du savant. Et voilà ce que dit Einstein. Il dit « Le savant doit donc apparaître aux yeux du théoricien systématique de la connaissance comme une sorte d'opportuniste sans scrupules. Hein ? Donc, il apparaît successivement et contemporainement comme un réaliste, comme un idéaliste, comme un positiviste, comme platonicien ou pythagoricien. Et ça, c'est ce que déclare Einstein en réponse à Lensen et Northrop dans Albert Einstein, Philosopher Scientist, dont nous avons parlé. Et Bachelard, lui, dans le rationalisme appliqué, dit ceci, c'est tout à fait en écho avec Einstein, quant aux deux philosophies extrêmes, donc on a un spectre, il y a les deux points extrêmes, idéalisme et réalisme, elles n'ont guère de force que leur dogmatisme. Le réalisme est définitif, là il pense à Meyerson, et l'idéalisme est prématuré. Ni l'un ni l'autre n'ont cette actualité que réclame la pensée scientifique. Donc, c'est très intéressant parce que là, Bachelard fait voler au secours de la rigidité du spectre philosophique des philosophes l'actualité scientifique qui permet de modifier, de moduler ce spectre qui est un spectre au sens de la physique, en l'occurrence. Le titre qu'a choisi Charles Aluni est extrêmement évocateur lui aussi, et à la fois il faut y voir la reprise de ce que Bachelard appelait des profils épistémologiques, c'est-à-dire prendre une notion et la décliner dans différents horizons de pensée et établir ainsi l'équivalent, quelque chose d'analogue au spectre voilà, d'un corps qui crée des raies spectrales et qui permet d'être sa signature chimique et quantique, exactement. Et puis, je dois le souligner, c'est aussi le fait que Charles Lully est un disciple de Jacques Derrida, et que Jacques Derrida a écrit un livre fameux sur Spectre de Marx. Mais la grande différence, c'est que il y a derrière justement cette analogie mathématique qui travaille dans la pensée de Charles Lully et qui donne un sens finalement à ces échos du passé qui viennent comme des spectres nous hanter. Et voilà, donc la résonance de Derrida, qui lui-même faisait allusion, vous le savez, à Marx, hein, à l'ouverture du manifeste du Parti communiste, elle prend un sens différent à travers cette relecture bachelardienne de ce thème et qui donne à penser justement sur à quoi doit nous servir Bachelard de nos jours. Je vous l'ai dit, je pense, c'est la citation que j'ai mis en exergue de mon recueil, hein, c'est que la véritable vocation du passé de la culture, c'est de préparer un avenir de la culture. Et donc, Bachelard nous sert à passer au crible, mais aussi à détecter ainsi les résonances dans notre présent de choses qui étaient porteuses d'avenir dans le passé, pour justement maintenant nous permettre d'inventer et d'aller plus loin. Et il a compris, en l'occurrence, que la relativité d'Einstein, c'est une vraie bascule dans la vie des idées. Complètement. Mais c'est une méthode de pensée. Dans L'autre et Amont, il écrit, au début de l'ère relativiste, pour prouver la solidité des nouvelles doctrines, Painlevé, le scientifique, dit aux ignorants, en parlant des 50 mathématiciens réunis autour d'Einstein, regardez, ouais, on les voit se comprendre. C'est ça. Ma phrase magnifique, ça veut dire qu'ils sont en train d'inventer un nouveau monde que seuls sont capables de comprendre, mais qui va ensuite diffuser dans toutes les... Absolument, c'est ce sur quoi il insiste très souvent dans la valeur inductive de la relativité, et pas seulement là, sur la... L'autre amont, c'est 1940, je crois. 39. Publié en 40. C'est en 40, oui. Mais justement, mais en même temps, Vincent soulevait un peu un problème qui est la question du rapport de Gaston Bachelard avec les mathématiques. Parce que là-dessus, il y a un préjugé dont je parlais au début sur le trop connu finit par ne pas être connu. C'est que c'est quelque chose qui a été lancé par quelqu'un, en l'occurrence Roger Martin, qui a été bibliothécaire à l'école normale dans les années 50, 60. Et il y a eu un colloque à Cerisy en 1974. Mmh. Et en 1974, Roger Martin a fait un texte important parce qu'il est resté dans les mémoires et c'est devenu ce que j'appelle un poncif, hein, un poncif à la vie dure, à savoir que Gaston Bachelard est resté loin du développement de la pensée mathématique elle-même, oui, contemporaine. C'est une affirmation qui fait sourire. Alors évidemment, ça fait sourire, parce que si l'on prend la thèse de Bachelard sur la connaissance approchée, par exemple, on trouve un investissement par Bachelard de la mathématique contemporaine, à lui contemporaine, que ça soit Riemann, Galois, les nouvelles formes de l'analyse, etc. Ce n'est qu'une analyse, fondamentalement, des théories mathématiques. Mmh. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette intervention de Roger Martin disant « Non, Bachelard, en fait, n'a pas de lien avec la pensée mathématique contemporaine, il est seulement chimiste et physicien ». Ben simplement parce que Roger Martin n'est pas mathématicien, Roger Martin est un logicien. Or, ce qu'il reproche à Bachelard, c'est que Bachelard n'a pas, dans ses ouvrages, parlé des fondements des mathématiques, de la crise des mathématiques. Il n'a pas parlé du terme de Gödel, par exemple, ou très peu. Oh, mais ça, justement, il faudrait revenir là-dessus, parce qu'il devance les acquis du théorème de Gödel par rapport aux logicistes qui étaient partis quand même peut-être dans une voie. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est le théorème de Gödel. Alors, le théorème de Gödel, ou théorème d'incomplétude, c'est ce qui démontre que dans tout système axiomatique qui a la puissance de l'arithmétique, il y a forcément la possibilité de former des propositions qui sont indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut prouver ni qu'elles sont fausses ni qu'elles sont vraies, ce qui démontre, pour ainsi dire, que tout système axiomatique, si vous voulez, est lacunaire. Et par ailleurs, il y a des résultats de la logique de cette époque qui démontrent aussi l'indépendance d'un certain nombre des axiomes qui font partie de toutes nos théories les plus fondamentales. Et donc, avec ces deux résultats, le projet qui avait été celui qu'on appelle le programme de Hilbert, qui était de démontrer la consistance apodictique, hein, du système mathématique, tombé à l'eau. Non pas que ça soit un mauvais projet, mais que de toute façon, en fait, on pouvait faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'il y a un seul système, mais en fait, on peut en prouver plein suivant les choix qu'on fait. C'est ça qui a été à l'œuvre. Est-ce que Bachelard a commenté ce théorème? Alors, il ne commente pas ce théorème, mais et lui, et Gonsette, et Herman Weyl sont des gens qui avaient affirmé par l'avance qu'il y aurait toujours des phrases qui seraient indémontrables. Et donc, ils étaient en avance sur le programme et de Hilbert et de celui des logiciens, tout en n'ayant d'ailleurs pas vraiment... je veux dire, ils pensaient que c'était insuffisant, l'entreprise logiciste. Mais si on lit bien Bachelard, c'est plutôt quelqu'un qui a de la sympathie pour Aschenbach, qui considère que Peano a eu raison de faire son formulaire et de faire des notations. Il est beaucoup moins... il est contre l'aspect un peu réactionnaire, justement, qu'aurait eu Poincaré face à ces questions. Tout ce qu'il dit, c'est qu'on peut faire beaucoup plus fort, que notamment la logique classique ne correspond pas à des déterminations, on va dire, creuses dans son ontologie, et qu'elle ne correspond pas, par exemple, à la mécanique quantique, qui va falloir explorer d'autres systèmes axiomatiques. C'est quelqu'un dont l'expérience de pensée principale est le passage aux géométries non euclidiennes, c'est-à-dire le passage de voir que le cinquième postulat d'Euclide est indépendant et qu'on peut inventer différents postulats. Donc en réalité, Bachelard n'est pas pré-Gödelien comme le sont souvent les logicistes, il est post-Cohenien, c'est-à-dire il est quelqu'un qui est déjà au niveau des travaux de ce que Paul Cohen va amener avec le forcing. C'est ça la conclusion de notre ouvrage dans une discussion avec Armand Etchuel que j'ai approprié du forcing de Paul Cohen, c'est qu'en fait Bachelard et bien d'autres hein, à son époque étaient déjà dans un stade de la logique constructiviste qui est au-delà de ce que là où sont restés bloqués les logiciens la plupart du temps. Excuse-moi de t'avoir interrompu, plus quand on dit des choses aussi bêtes que celle de Roger Martin. C'est absolument juste, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment la bévue d'un Roger Martin, à savoir de prétendre que Bachelard n'a aucun lien avec la mathématique contemporaine d'un côté et d'autre part, n'a aucun lien avec l'axiomatique et la logique, c'est comment cette double bévue s'est continuée jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que la plupart des philosophes pensent effectivement que c'est Bachelard et dans ce cas-là. Or, en ce qui concerne l'axiomatique, et ce que vient de dire Vincent sur les positionnements de Bachelard, en ce qui concerne l'axiomatique, tous les ouvrages de Bachelard font référence aux questions de l'axiomatique, de ses limites, de ses possibilités, de son intérêt, de ses développements possibles, y compris par rapport à la relativité générale. On pourrait produire une axiomatique de la relativité générale, etc. Il y a dans votre livre, Charles Aluni, un petit extrait d'une interview que Bachelard a accordée à Radio Nancyste en 1961. Il est interrogé par Denise Laborde. Je vais lire quelques lignes de cette interview et dont je voudrais savoir ce qu'elle nous dit de Bachelard. Question de Denise Laborde. Pour vous, n'est-ce pas, un bon penseur, un bon philosophe doit être bien enraciné dans sa terre? Réponse de Bachelard. La boisson. Ou bien, il doit être bien déraciné. La boisson. Question suivante. Après la terre et l'eau, le feu est le troisième élément essentiel. Vous savez ce que dit un proverbe populaire? Pour allumer un feu, il faut être philosophe, amoureux et un peu fou. Qu'en pensez-vous? Réponse de Bachelard. Ou bien, il faut être incendiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que c'est il se moque d'elle, ou... c'est une très belle illustration. Bah, c'est son côté espiègle, mais en même temps, ce n'est pas une moquerie vide. Ça correspond vraiment au fond de la position de Bachelard, à savoir, comme disait Vincent, la question de la raison polémique. Le surrationalisme, c'est une raison totalement polémique. Bachelard fait une référence à l'autre monde dont on parlait. Et il dit, il fait référence aux mathématiques sévères dont parle l'Autrement. Et il part d'une violence de l'entreprise scientifique et d'une cruauté, l'aspect cruel. Et on a beaucoup reproché, je pense que c'est très, très intéressant parce que ça amène aussi une partition sur le positionnement qu'on peut avoir par rapport à Bachelard versus Meyerson ou d'autres, c'est que ce qu'on lui reproche, certaines personnes, c'est que, précisément, contre le dogmatisme réaliste, lui, il amène une espèce de raison polémique, cruelle. On a des passages assez cruels pour... par exemple, quand il dit de Meyerson, oui, certes, c'est un grand philosophe, certes, mais c'est un philosophe du 19e siècle. Et il y a un certain nombre de positions de Bachelard de ce type. Est-ce qu'on pourrait revenir, parce qu'on approche de la fin, à tenter une réponse à la question posée? Que veut dire penser contre son cerveau? Est-ce que c'est cette idée qu'il développe dans la formation de l'esprit scientifique, que l'esprit scientifique, je le cite, doit se former contre la nature? Alors, et il écrit nature avec une majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de travailler sur une nouvelle édition du Nouvel Esprit Scientifique, donc qui est en préparation, et je suis en train de fouiller ce texte. Et c'est une des questions que je me pose. Et vous savez, ce livre se termine en fait par un moment de joie quasi spinozienne, où le fait d'avoir produit l'effort, d'acquérir les nouvelles connaissances qui se découlent de la relativité et de la mécanique quantique, augmente la puissance de pensée et donc, en fait, amène une seconde jeunesse. C'est un moment. C'est un effort. Alors, c'est exactement ça sur ce quoi je veux venir, c'est que ce livre, qui est un livre de maturité écrit à 50 ans, c'est en fait une seconde jeunesse. Et donc, il y a une cure de jouvence qui nous vient par l'effort que nous produisons pour acquérir de nouvelles connaissances. Et pour moi, je dirais que c'est ça, penser contre son cerveau, c'est ne pas le laisser se scléroser et être capable par moment de se détacher de nos certitudes antérieures parce qu'on a produit suffisamment d'efforts rationalistes et surrationalistes pour être capable de rajeunir son cerveau. Voilà. Oui, cher ami. Oui, je pense que pour enchaîner sur ce que vient de dire Vincent, il faut quand même savoir que, et je me permets de me référer à Spectre de Bachelard, dans lequel au chapitre 5, je parle de métaphysique des mathématiques, Spinoza chez Bachelard, qui est le commentaire d'un texte que j'ai publié en Italie, parce que nul n'est prophète en son pays, donc en France, ça n'est toujours pas fait. C'est un texte de 1933 de Gaston Bachelard, qu'il a prononcé en Hollande, pour un anniversaire de la société des amis de Spinoza, dans lequel il analyse le lien entre physique, parce que le titre originaire, c'est « Physique et métaphysique ». Donc c'est très intéressant. Mais que j'ai commenté en termes de métaphysique des mathématiques, ou métaphysique et mathématiques chez Bachelard et à travers Spinoza. Et je pense que ça, c'est un point fondamental. C'est ce que soulevait Vincent. Mais je voudrais dire que c'est lié aussi à quelque chose qui a été vaguement, auquel il a été fait allusion. Ce sont deux préfixes, sur et non. La philosophie du non, qui est un des ouvrages fondamentaux de Bachelard, et le sur de surrationalisme, par exemple, ou de surobjet, parce qu'il parle aussi de surobjet, ce qui est fondamental. Et je pense que ce double aspect, le sur et le non, rejoint la question de la raison polémique, rejoint l'aspect déconstructif des positions théoriques de Gaston Bachelard, en s'appuyant sur ce que la science contemporaine nous amène à remettre en question dans les catégories figées de la philosophie. La philosophie pure, entre guillemets. Donc c'est une philosophie ouverte, et qui est ouverte à la fois par le non, parce qu'on peut dire que la philosophie bachelardienne, c'est du non-bachelardisme, si on le pousse. On peut d'ailleurs le citer, il écrit dans le Nouvel Esprit Scientifique, « Finalement, la philosophie de la science physique est peut-être la seule philosophie qui s'applique en déterminant un dépassement de ses principes. Bref, elle est la seule philosophie qui soit vraiment ouverte. Toute autre philosophie pose ses principes comme intangibles, ses premières vérités comme totales et achevées. Toute autre philosophie se fait gloire de sa fermeture. » En tout cas, la philosophie surrationniste, c'est la seule qui soit obligée à cette tâche. On pourrait donner acte que certains philosophes entreprennent de déconstruire et reconstruire leurs pensées sans être aiguillonnés par les sciences. Mais ceux qui sont fidèles à la tâche de Bachelard, c'est d'être contemporains des sciences qui se font à leur époque, sont obligés de le faire, et c'est à ça qu'il nous invite. Cette émission n'est pas une philosophie, mais elle ne se fait pas gloire de sa fermeture, mais elle va fermer. Merci Vincent Bontemps et Charles Aluny. Merci. Spécialement à vous, Charles Aluny, puisque vous avez un ménisque douloureux, et vous avez quand même marché dans les couloirs de la Maison de la Radio. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Victoria Asper, et à la réalisation, Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.